clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Feel good, j'espère que vous vous sentez bien mes petits corbeaux ce soir pour une émission encore de Clair Obscur pour continuer la soirée rock. Après Marilyn et Labo Rock, c'est avec nous que vous continuez la soirée rock sur Rage en compagnie de moi-même, votre cher serviteur Stéphane, ainsi que ma collègue, j'allais dire ma corbeille, oui, le joli corbeau de la radio française, Nathalie, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, et ce soir je ne suis pas toute seule dans le bocal, j'ai avec moi deux grandes légendes. De la radio. Je vais essayer de rester calme. Alors, je préviens les gens qui découvrent l'émission ce soir, peut-être pour la première fois. Ce soir, ce ne sera pas une émission normale, entre guillemets, parce que déjà, on n'en fait déjà pas. Ça va être une émission qui va très certainement partir en cacahuète la plus totale. Donc, ne prenez pas ça au sérieux. Écoutez juste nos amis, vous verrez. Et nos amis, en l'occurrence, ce sont deux anciens de la radio qui avaient déjà intervenu, notamment dans Indiebox et Tapage Nocturne. Il s'agit de Stéphane et Guillaume. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Rage. Je te calme direct, toi. Alors vous, donc, s'il y avait des filles qui étaient réfractaires à notre émission, ben, avec la testostérone qu'il y a dans la voix, décidément, elles vont y revenir. Mais nous, on va revenir justement à un style musical qui nous tient à cœur, qu'on a abordé à plusieurs reprises dans l'émission. On avait même fait une spéciale il y a un petit peu plus de 2 ans. Et on va y revenir, des styles musicaux qui sont un petit peu antérieurs au gothique, tel qu'il est apparu à la fin des années 70, mais qu'il a beaucoup, beaucoup influencé. Il s'agit du glam, notamment, et de son évolution des années 80 avec le sleaze. Et pour commencer cette émission sous de bons auspices, c'était la voix reconnaissable entre toutes de Freddie Mercury avec le groupe Queen, un extrait de l'album A Night at the Opera, et c'est toi qui nous ramenais ça, Nathalie. Avec le morceau Death in Two Legs, album sorti en 75 et un de leurs albums que moi je préfère, et comme tu l'as dit, la voix inimitable et reconnaissable entre toutes de Freddie Mercury, dont le grand talent manque beaucoup, je trouve, maintenant sur la scène. On n'a pas retrouvé d'équivalent. Alors le côté paillette, le côté scène, vraiment, vraiment la grande classe de l'époque. La moustache. Irremplaçable. Le cuir aussi. C'était les cuir moustache, c'était voilà, ils l'ont sorti, il fallait qu'il la sorte. Cuir moustache. Et pour continuer, tiens, dans les paillettes, quelque chose d'un peu plus glabre, mais tout aussi talentueux, c'était Mark Bolan, qui lui nous a quittés en 1976, quelques années avant Freddie Mercury, mais c'est toujours aussi bon. Et puisque mes petits corbeaux, nous sommes tous nés au 20e siècle, eh bien, je vous propose de continuer comme ça, mes 20th Century Boy. À l'instant, 20th Century Boy, un morceau originellement de T-Rex, interprété par T-Rex dans la version qu'on vient d'écouter. Et T-Rex, donc le groupe de Mark Bolan qui nous a quitté en 1976, disais-je. Et c'était 20th Century Boy, un morceau qui a été repris à maintes reprises, notamment par Placebo il y a une petite dizaine d'années. Et c'est toi, Guillaume, qui nous ramenait ça. J'allais dire, c'est joyeux quand même, la spéciale glam, on commence deux morceaux, deux groupes avec les chanteurs morts. Et on est dans l'air, ils sont tous morts, les mecs, ils sont tous morts. Oui. De toute façon, on va tous mourir, voilà. Mais en attendant, on va écouter du glam, on va se faire plaisir. Ils ont on va vécu, se mettre... eux, au moins, bordel. Ouais, c'est ça, ils avaient des voitures et des femmes. Bref, et des paillettes. Stéphane, soyons clairs, concis, soyons pro. Le glam est né en Angleterre, on est d'accord. Nous sommes bien d'accord. Ouais. Au début des années 70. Parce qu'il y en a qui disent que c'est né aux États-Unis. Alors, ben oui, c'est l'éternelle controverse pour le glam et le punk. Le glam, effectivement, est né dans la région de Londres, avec des gens comme David Bowie notamment. Mais c'est vrai qu'il avait des antécédents avec Iggy Pop, ça veut dire caca. Hein. Oui. De toute façon, c'était la musique de merde. Et. Je me suis fait quelques ennemis là. Et donc Iggy Pop, oui, effectivement, avait ce côté un petit peu se maquiller sur scène. D'ailleurs, Alice Cooper aussi, auquel on aura peut-être l'occasion de refaire allusion. Et donc, effectivement, ce mouvement musical qui a éclos en Angleterre, finalement, avait quand même quelques racines. De l'autre côté de l'Atlantique, c'était pareil comme controverse pour le punk. Gary Glitter, mais finalement, il y a beaucoup de le terme glitter glam. Oui, c'est beaucoup de choses qui viennent d'Angleterre. Hein. Punk rock, si vous voulez vous joindre à la controverse, vous pouvez rejoindre Nathalie d'ailleurs sur la Facebook. Sur la Facebook, vas-y, on continue. Hein, on continue sur la Facebook. Il n'y a pas que le cul dans la vie. Voilà, il y a aussi la Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur le chat de Facebook, vous, sur le groupe de l'émission Clair Obscur. Vous tapez Clair Obscur sur Google et autres moteurs de recherche magnifiquement bien organisés. Vous n'hésitez pas à nous laisser lingots d'or, carte de crédit, chèque. On prend aussi ça avec plaisir. Petit mot aussi, c'est toujours agréable. Petit commentaire. Oh. Lâche ton com, j'ai envie de dire. Voilà. Lâche ton com sur Skyrock, voilà. Et puisqu'on on aime bien laisser la parole aux dames dans cette émission, eh bien, on va continuer avec une petite demoiselle qui a fait parler d'elle à la fin des années 70 avec sa collègue Lita Ford au sein du groupe The Runaways. Et alors, elle a d'abord joué dans The Runaways ou ensuite dans ce groupe avec Lita Ford. D'abord, clairement. The Runaways, c'était avec Lita Ford. Ah d'accord. Et ensuite, elle a fait The Black Art. C'est bien ça ? Voilà, solo. Très bien. Et donc, Joan Jett, pour ne pas la nommer, même si après elle a tendu vers le rock FM, a fait quelques petites perles de glam rock assez sympa. Oui, assez sympa. Bon, comme tu le disais, elle a commencé avec Lita Ford dans les Runaways. Il y a eu d'ailleurs un film qui a été fait l'année dernière. Plutôt sympa, le film. Plutôt sympa. Je ne te sens pas motivé là, quand non, tu non, me je dis. Je peux pas avoir un avis. Meuf de Twilight, là, je sais pas comment elle s'appelle. Quoi, celle avec la mâchoire qui est toujours en avant là ? Kristen Stewart, je crois. Qui joue John Jett, s'en sort plutôt pas trop mal. Et le film est grand public, mais il est quand même. Bah, apparemment, elle avait filé pas mal d'infos. John Jett, elle a été productrice pour ce film. Mais dans tous les cas, la sortie de Runaways, elle a lancé sa carrière solo assez péniblement parce que personne ne voulait en fait la produire. Et elle a lancé sa propre maison de disques, les Heartbreak Records. Donc du coup, elle a pu faire ses premiers albums en solo, notamment le I Love Rock'n'Roll qu'on connaît tous, une reprise de... C'est une reprise, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est une reprise de The Arrows. Mais je ne le savais pas, personnellement. Ouais, qui a été sorti en 76. Un morceau qui est... Enfin, c'est pratiquement le même, à part qu'il y a la voix sauvage de Joan Jett et le solo qui change. Le mec qui a écrit la version originale doit avoir un petit peu les boules quand même. C'est clair, parce que on connaît que celle-là en fait. Gras de droit d'auteur. Oui, c'est clair. Espérons pour lui. En tout cas, pour en revenir à Joan Jett, donc on a tous écouté ce morceau I Love Rock'n'Roll dans notre jeunesse plus ou moins lointaine, et on va continuer avec puisqu'on est assez attaché à ces périodes musicales, eh bien on va assumer notre petit défaut avec le morceau You're Too Possessive. Wow. Hey! I swear I will not kill anyone. Clair Obscur. Vive la France! Sur Rage. Make in Love de Kiss, c'était issu de l'album Rock'n'Roll Over sorti en 76, il me semble. Vous avez été très chanceux parce que c'est un des meilleurs morceaux de Kiss, avec le meilleur solo de Kiss, avec le meilleur fin de morceau de Kiss. Et amené par objectif. Le meilleur DJ. C'est ça. Mais avec Kiss, c'est la vie. Merde. Kiss, c'est la vie. Dans tous les cas, voilà, c'était un morceau de leur période dorée, hein, parce que maintenant, ce qu'ils font, c'est pas de l'art. Hein. Voilà, donc voilà, c'était jouissif. Allez, un petit bisou donc pour vous, chers amis, pour continuer cette émission spéciale Glam, vous l'aurez compris, avec un des groupes préférés de Guillaume, ici présent. Et c'était juste spécial d'ailleurs, on a compris, ouais. Il faut, c'était enchaîné juste avant avec Joan Jett, qui elle aussi mérite un petit bisou, and the Blackhearts, and the Runaways, pardon, avec le morceau You're Too Possessive. Et tiens, justement, bon, puisqu'on parle de bestioles possessives, il s'agit de Stéphane qui détient et qui nous livre avec parcimonie. C'est quoi cette bestiole possessive? Une information qui lui tient à cœur. Notre vie privée, s'il te plaît. À propos d'un groupe qui lui tient lui aussi à cœur, les Steel Panthers. Ben, les Steel Panthers, en fait, c'est un groupe récent qui est à moitié hommage et à moitié parodique du air metal américain des années 80. Donc la seconde vague de groupes glam qui est partie avec Motley Crue, Rat, Guns N' Roses, Poison et tout ça. Et là, ils viennent de sortir leur second album, Balls Out. C'est un peu le titre est un poème déjà. Oui, la pochette est magnifique. Je vous conseille de regarder la pochette. En français, ça veut dire pose tes couilles sur la table, c'est ça? Oui. Et en fait, c'est comme quoi tout traduire. Une meuf en maillot de bain qui tient deux énormes boules de geisha. Bon, c'est la grande classe. Et ça aurait pu être pire. Il faut regarder leurs clips aussi, parce qu'en fait, c'est un peu les Spinal Tap du glam. C'est très très drôle. En interview, ils sont assez hilarants. Bon, c'est des musiciens très bons, hein, ça joue, ils ont tous eu plus ou moins des carrières avant. Et ça reprend tous les clichés du glam américain des années 80, mais c'est tellement bien fait que ça en est jouissif. Et ce deuxième album, Balls Out, est à se passer. Enfin, tu mets ça le matin et puis tu es parti pour toute la journée, quoi. T'as la banane. Pour autre chose, vous pouvez le dire. Et bien en tout cas c'est bien pratique parce que le morceau que tu nous ramènes s'appelle 17 filles d'affilée. Justement si tu as la banane dès le matin ça peut être pratique. Ça ne parle que de sexe. C'est très très classe. Belle voilà, brochette. C'est super macho, super débile et c'est tellement drôle. Et là où il dit qu'il a fait crack boom U avec 17 filles. 17 je crois que c'est ça qu'après il les a posées, non? Beaucoup de thèmes du glam rock c'était ça. Ah oui, bah, c'était faire la fête, lever des gonzesses et voilà. La vie quoi. Pas se prendre la tête. On sent les nostalgiques, là, tu vois. Allez, chers amis, si vous aussi, vous vous préparez en écoutant Clair Obscur à passer une nuit chaude et longue, eh bien, on vous propose, pour vous mettre en train et en jambes et autre chose, d'écouter ce morceau que nous ramène Stéphane, les Steel Panthers, avec le morceau 17 Girls in a Row. À l'instant, donc un morceau dont il faut voir le clip, d'après ce que nous disait Stéphane, c'était Steel Panthers, avec le morceau 17 Girls in a Row, 17 filles d'affilée. Si vous avez la santé, dites-moi ce que vous prenez, parce que ça m'intéresse. Et donc cachet bleu, je pense. Oui, ça peut aider à la rigueur. Et vous êtes bien sûr Rage si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes fruits et légumes par jour. Voilà. Et vous êtes toujours sur Rage. Vous êtes toujours sur Rage. On vous donne des conseils de nutrition gratos, alors profitez-en. Ainsi que des groupes à suivre, des groupes peut-être pour mettre votre dulciné dans de bonnes dispositions. Avant bonnes de passer dispositions. Les saisons. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, il faut savoir. Et donc, vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard, de l'Hérault et une frange des Bouches-du-Rhône. Sinon, du côté de Marseille, vous nous écoutez sur le canal 8 de la radio numérique terrestre, si ma mémoire est bonne. Et si vous êtes sinon, équipé. Voilà. Sinon, vous nous écoutez sur le www.rage.fr. Vous êtes encore pour une demi-heure et vous êtes très bien avec nous, Nathalie et moi-même, pour Clair Obscur, ainsi que nos deux invités, des grands fans de glam qui nous ont ramené leur CD dans l'émission ce soir, Stéphane et Guillaume. Et tiens, Stéphane, justement, tu nous ramenais ce morceau de Steel Panthers, mais tu as d'autres choses dans ton escarcelle, un groupe peut-être un peu plus ancien, il s'agit des LA Guns. LA Guns, c'est un groupe qui est apparu au milieu des années 80, en même temps que Guns N' Roses, qui était vraiment le chef de file de la seconde vague sleaze glam. Sleaze glam, c'est-à-dire du glam un petit peu plus sale, entre guillemets, avec un look moins coloré, un peu plus rocker de la rue. Plus basé à Los Angeles qu'à Londres, finalement, celui-là. En fait, toute la seconde vague américaine venait de Los Angeles, de la scène du Sunset Strip, magnifique quartier. Et LA Guns a toujours été un peu dans l'ombre de Guns N' Roses. Pour moi, leurs trois premiers albums sont vraiment des perles à écouter et réécouter. Et donc c'est un décador du genre. Je sais qu'ils ont joué le mois dernier en France, dans une banlieue parisienne, pour la première fois. Ils n'avaient jamais joué en France. Et c'est toujours un groupe qui assure sur scène et qui continue à sortir des albums, même si ça fait quelques années qu'ils n'en ont plus sorti. Leurs derniers sont toujours excellents. Ils ont donc la santé encore, hein. Ouais. Bah, il reste deux membres originaux sur les cinq. Mais donc t'as eu turnover, mais bon. Oui, oui. Mais ils sont toujours crédibles, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui s'obstinent à continuer, alors que. Calvitie et Gros Bidon, des fois, c'est pas oui, toujours compatible avec les mettre des perruques s'ils veulent, à la limite, mais où les albums suivent pas, où les concerts suivent pas. Mais c'est peut-être encore du glam, mais c'est pas toujours très glamour, quoi. C'est pas leur faute, c'est le temps, quoi. Et LA Guns a gardé le look et l'esprit, et j'ai choisi un morceau de leur deuxième album, qui est vraiment un gros classique, qui s'appelle Cocked and Loaded. L'album est de 89, et c'est le morceau Never Enough. c'est Clair Obscur sur Rage. Les Elegance avec le morceau Never Enough, suivi de Pulp et avec le morceau We Have Boys, sorti de la BO de l'excellent film Velvet Goldmine, que je conseille à tous si vous l'avez vu. Très bon film, Glam. Alors pour vous dire un petit mot sur le groupe, Pulp est un groupe qui tourne depuis 78. À la base, ça devait s'appeler Arabicus Pulp. Ça a été vite remplacé par Pulp parce que les gens n'ont absolument pas compris pourquoi ce nom à la con. Hein. Et le groupe aussi est quand même très très connu, surtout son chanteur Jarvis Cocker, qui a totalement ruiné un des shows de qui Michael Jackson. Qui n'est pas le frère de Joe, on est d'accord. Non, je pense pas, je ne le connais pas personnellement, mais qui a totalement ruiné un des shows de Michael Jackson en 96, où Michael Jackson, entouré de ses fans et deux gamins, chantait religieusement, très très concentré, et l'autre il est passé en déambulant comme un mec bourré, et ça a totalement ruiné la prestation de Michael Jackson, qui a dû apprécier vraiment, vraiment l'intervention. Eh bien écoute, au moins Jarvis Cocker, lui, il sait se rendre rigolo, ce qui n'était pas forcément le cas de Michael Jackson. Je me souviens que Jarvis Cocker, la seule fois où je l'ai vu en concert, c'était un festival, et il était sur des plateformes booth assez immenses, et c'est vrai que c'était très glam, mais au bout d'un moment, il a fini par se casser la gueule, donc ça, c'était moins glam. Bref, pour l'anecdote. C'était très drôle. Mais c'est vrai que bon, sur coup, il a eu un peu mal aux fesses, c'est son jeu de scène en apathie. Mais c'était quand même assez drôle, assez dépend pour le coup, mais il l'avait pas trop mal pris. Et tiens, par contre, on va revenir vers des choses un petit peu plus sombres, un peu peut-être plus glam goth. Je m'embrouille dans mes syllabes, vous avez vu ça? Un peu plus glam goth peut-être que ce qu'on a écouté à l'instant, puisqu'on va revenir un petit peu vers les ambiances de Kiss qu'on écoutait tout à l'heure, avec un groupe qui s'en inspire largement à mon sens. Il s'agit de Death SS, un groupe italien qui, donc comme Kiss a ce côté un petit peu provocateur de mettre les runes SS dans son nom. En fait, il n'y a pas de connotation politique du tout, puisque c'est Death of Steve, Steve Huster, qui est en gros le surnom de Stefano Silvestri, qui est chanteur et unique membre permanent de ce groupe-là depuis ses débuts à la fin des années 70. Alors, tantôt, ils vont piocher du côté de l'horror pop, de l'horror rock, pardon, tantôt du côté du glam, tantôt du côté du heavy metal. Donc, ils mangent un petit peu à tous les râteliers. C'est vrai que parfois, leurs morceaux sont un peu faciles, mais quand même, c'est un groupe que j'aime bien. Ne serait-ce que parce que parfois j'y ressens donc ces ambiances glam un peu nonchalantes des années 70, avec notamment des références parfois à une chanteuse que j'aimais bien quand j'étais petit, encore une glameuse que j'écoutais quand j'étais petit, qui était Suzy Quatro, qui était un petit peu la fille habillée tout en cuir noir et tout, qui dominait tous les mecs qui jouaient autour d'elle. J'adorais cette image, ça me donnait des envies. Et voilà le résultat. Mais ça date de quand, ça, Suzy Quatro? Alors Suzy Quatro, c'était début 70. Ouais, on a son morceau Can the Can, c'était en 1971. Ah ouais. Voilà, au moment des premiers albums de T-Rex. Il y a eu un morceau qui s'appelait Suzy Q. De Creedence, non, c'est pas la rien même à chose. Voir, d'accord. Enfin, c'est peut-être une référence. À ouais, peut-être qu'elle s'est inspirée de ce morceau-là, parce que je sais qu'elle a un nom tout à fait différent. D'accord. Son état civil est différent. Alors, bref. Le côté cuir, alors on a appris qu'il y en a qui mettent leur boule sur la table, que certains aimaient en cuir. Non, mais c'est bien que Clair Obscur, une émission culturelle. Une émission cuir, moustache, et entre culturelle. Autres choses. Et on sait pas ce que tu mets sous ton cuir, toi, Nathalie. Pas de cuir, justement. Allez, on c'est va revenir. C'est intéressant, hein. Allez, puisqu'on parle de slip et de string. Panthère, eh bien, bon, on va écoutez, aller. Je me mets à poil, c'est bon. Si tu veux, tu le fais. Bah écoutez, vous pouvez regarder par la webcam à la rigueur, et nous, on va aller vers ces ambiances un petit peu jungle que je vous suggérais tout à l'heure à propos de String Panther, avec le morceau de Death SS, Cannibal Queen. Oui, dévorez-moi. Smash your body tag, Death SS avec le morceau Cannibal Queen, et c'était ce groupe Death of Steelbuster avec ce morceau que j'aime bien et qui nous ramène vers des choses un peu plus sombres pour continuer cette soirée glam qui touche tout doucement à sa fin. Mais on va quand même faire un détour du côté d'un grand classique du glam sleaze, un groupe que tu aimes particulièrement Stéphane, Motley Crue. Ouais, parce que Motley Crue c'est un peu comme Kiss, c'est la vie. Et non, mais c'est clairement le groupe le plus important de toute la vague hard rock américaine glam des années 80. C'est celui qui a vécu le triptyque sexe, drogue et rock'n'roll jusqu'à son sommet. Paroxysme. Voilà. Et qui va faire une tournée exceptionnelle en France au printemps, de plusieurs dates. J'en sais pas plus, mais ça c'est sûr et certain. Alors, est-ce qu'ils seront au Hellfest ? Ils devraient y être, à mon avis. Et ce qui va être annoncé d'ici la fin de la semaine aussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de Las Vegas, il y a un groupe de hard rock qui va avoir une résidence pendant un mois au Hard Rock Hotel de Las Vegas. Et c'est Motley Crue qui va jouer, je crois, 3-4 concerts par semaine. Mais à Las Vegas, leur apporter beaucoup de brousouf. À Las Vegas, un groupe à paillettes, c'est un peu logique en même temps. Oui, ben c'est la cité du péché, donc Motley Crue est parfait pour ça. Et voilà, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Le groupe est toujours là et devrait nous sortir un nouvel album, peut-être pas l'année prochaine, parce qu'ils tournent beaucoup et qu'ils sont aussi un peu chacun de leur côté à faire différentes choses. Mais c'est voilà, comme je vous disais, le groupe le plus emblématique de toute cette vague des années 80. J'ai choisi un morceau de leur deuxième album, Shout at the Devil, qui est un énorme classique, sur lequel il n'y a rien acheté. La pochette est comment de ce c'est quatre mecs maquillés avec un look glam post-apocalyptique, parce qu'à l'époque, ils regardaient New York 97 et Mad Max 2. Alors, ça donne quoi le look glam post-apocalyptique? Un look glam un peu plus. Il y avait une pseudo-imagerie satanique aussi derrière, donc c'était rigolo. Mad Max avec des paillettes? Oui, c'est un peu ça, Mad Max super-héros, un truc un peu bizarre. Et j'ai choisi le dernier morceau de cet album, qui est un morceau qui n'est pas connu, qu'ils n'ont jamais joué en concert et qui est mon préféré de cet album, et c'est le morceau Danger de Motley Crue. Live the C'était Motley Crue, Danger, de l'album Shout at the Devil, 1983, deuxième album. Il y a aussi une vague de réédition qui sortira la semaine prochaine. Il y a tout leur back catalogue qui ressort, voilà, avec des bonus, machin, en vinyle aussi. Parce que le vinyle est revenu à la oui, mode. Oui, le vinyle revient. Après le cuir. Hein. Vestimentairement aussi. Après le cuir. Aussi. Et donc vous aurez sans doute remarqué ce soir qu'on n'a pas eu le temps de vous passer non seulement les classiques comme Roxy Music ou David Bowie qui viennent dire, ouais, d'Outre-Manche ou d'Outre-Atlantique, mais on n'a pas non plus eu le temps de vous passer des groupes du cru. Je pense notamment pour le glam goth à Likoja ou à Jad Wayo, ou bien encore à Raquel Trax, ce groupe de Marseille qu'on nous avait passé déjà, qui était un concert dans la région du style avec Black Rain. Black Rain qui a été en première partie d'Alice Cooper il y a bien un an, et qui ont fait la première partie de Scorpion aussi à Lyon. Et mais par contre, on a la chance d'avoir dans les studios deux grands classiques de la radio qui sont venus animer. Alors pour ceux qui sont sur Facebook, j'ai mis quelques photos. Bordel de merde, comme dirait Jean-Pierre Marielle. Bip, bip, bip. Allez, très rapidement, chers amis, puisqu'on arrive à la fin de l'émission déjà. Je disais qu'on n'a pas eu le temps de vous passer tout ce qu'on aurait voulu vous passer, mais on va quand même prendre le temps de vous annoncer quelques concerts sympas à plus ou moins longue échéance. Alors, du côté de Montpellier, je prends de l'avance, mais le 17, vous aurez une soirée organisée par la Shadow Assembly, donc une soirée goth juste avant Noël. Donc c'est la Dark Night Before Christmas, comme son nom l'indique. Et donc, vous aurez l'occasion d'aller taquiner le dance floor pour prendre les kilos que vous ne manquerez pas de prendre vous non plus pendant la période des fêtes. Mais sinon, un petit peu plus près nous, du côté de l'Aquaba, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, dans 10 jours. Du côté de l'Aquaba, le samedi 10 décembre, on va fêter les 10 ans de l'Aquaba. Donc du coup, il y a une méga boom organisée. Faut venir déguisé. Le thème, c'est comment tu te voyais quand t'avais 10 ans. Donc l'idée, c'est de Sophie Marceau, voilà. Et les appareils dentaires. Et les appareils dentaires, enfin bon bref, dans tous les cas, ça sera une super ambiance assurée, voilà, déguisée, il y aura de tout, il y aura des animations, il y aura le DJ qui s'appelle DJ Zebra, il y aura Mosca Verde aussi, il y aura Pasteur Guy qui passera aussi le 16 décembre au Pub Z. Je connais pas, connu ça. C'est un jeune qui débute dans le disque shocking, un petit pervers. Le disque shocking, j'aurais pas envie de dire. Donc voilà, Pasteur Guy qui passera le 16 décembre au Pub Z. Je le dis deux fois, Pasteur Guy qui passera le 16 décembre c'est au Pub Z. C'est un message subliminable. C'est un message subliminal. Et en plus, c'est un vendredi et ce sera gratuit pour l'événement majeur qui se passera en Avignon. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est quand même la double personnalité de notre ami Guillaume qui, pour ceux qui ne le savent pas, est aussi disque jockey. Disque jockey, mais étant perdu. Si vous avez la webcam, branchez-la de suite que je vous montre mes pectoraux d'amour. Et sinon, Stéphane, tu avais peut-être des concerts annoncés que tu annonceras quand tu auras récupéré. Respire. Un concert de Joel McCoy, si vous voulez, le 14 comme janvier. Ils sont venus pour faire leur pub, en fait. Mais voilà, sinon, on n'a pas le l'auditorium du Thor. Oui, la grande classe. Alors là, ça, c'est beau, ça. Les Real McCoy, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont un MySpace. C'est rien du tout, parce que MySpace, c'est mort. C'est mort, MySpace. Voilà, mais ils ont un Facebook. Tu connais ce groupe, toi? Non. Les Real McCoy, je crois que ça correspond bien au caractère des personnages, à mon avis. Sinon, nous, plus modestement, dans Clair Obscur, la semaine prochaine, puisqu'on fête notre anniversaire, on va faire une playlist à laquelle vous, chers amis, vous pouvez participer si vous nous envoyez vos suggestions. On vous propose de faire une playlist consacrée exclusivement aux reprises. Alors, soit des reprises de groupes goth, soit des reprises par des groupes goth. Et donc, si vous avez envie de vous faire plaisir en dédicaçant un morceau en nous l'envoyant cette semaine, eh bien on pourra le passer la semaine prochaine, donc dans cette émission anniversaire qui précédera donc la fin de l'année 2011. Est-ce qu'on peut éventuellement inviter les auditeurs à venir, ceux qui habitent sur Avignon, aux locaux d'Orage? Alors ça, c'est à faut que je vois, et si c'est possible, c'est possible, puisque ça sera la dernière dans ces locaux là. C'est possible. Oui, parce que Rage va déménager. Ouais, je donne mon accord, c'est bon. Oui, tu n'es pas le chef de la radio, Coco. Non, mais c'est le chef spirituel du monde entier, donc. En attendant, on ne manquera pas de vous tenir au courant si on fait quelque chose, mais comme a dit Stéphane, l'événement, c'est vraiment de nous envoyer les morceaux et les idées de reprise, vos petits messages. Alors attention, on censurera pas, mais restez quand même correct. Mais faites-vous plaisir, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, et puis c'est l'occasion de faire passer des morceaux qui passent quasiment jamais. Si vous avez eu vent de Bézu qui faisait une reprise de Type O négative, je regrette, mais c'est peut-être un petit peu délicat la diffuser. Je suis pas sûr de ça. Quoi qu'il en soit, voilà, donc une émission spéciale playlist la semaine prochaine, on espère, donc via Facebook, via MySpace, même si c'est mort, vous avez raison, via Tumblr ou via le forum de Rage, vous nous ferez les suggestions qui vous feraient plaisir. Vous pouvez aussi, donc comme je l'ai dit, dédicacer un morceau éventuellement, puis nous, on se chargera de faire le relais. Et le voilà. Tri. Donc c'est vos actualités, messieurs. Donc là, en janvier pour le Real McCoy, donc 2012, janvier. Une prochaine série de concerts. Voilà. Le Real McCoy, le groupe dans lequel Stéphane est chanteur, ainsi que Guillaume. Vendredi mix. 16 décembre, le Pasteur Guy au Pub Z. Voilà, vendredi 16 décembre. Et les 10 ans de l'Aquaba, il ne faut pas l'oublier, le 10 décembre à Chasse-Neuve de Gadagne. Et mercredi prochain, anniversaire de Clair Obscur. Et non, mais. Mercredi prochain. Mais venez nombreux, venez quand même. Si vous êtes sur le parking, c'est pas venez grave. Venez allumer des cierges sur le voilà. parking. Merde. Déjà que nous avons appris que nous sommes tous les trois Capricorne, ascendant Scorpion. Voilà, c'est un événement. C'est vraiment la révélation. La alors là, oui, ils m'ont fait un. On est liés à vie, là. Pendant les morceaux, si vous voulez, en antenne, ils m'ont fait un débat sur l'astrologie et le chemin spirituel qui les avait amenés chacun à être Capricorne, ascendant Taureau. Vous voyez, chers amis, Scorpion. Comme je suis mal entouré, je vous emmerde. Et nous. Alors, je sais pas quel était son signe astrologique, mais on va se quitter avec Marc Bolan, encore une fois. Un morceau que j'écoutais quand j'étais petit, un artiste que j'écoutais quand j'étais petit, un peu comme le petit Billy Elliot. Un morceau qui se retrouve dans la bande originale de ce très très joli film. Moi, je vous propose de nous quitter avec ça, chers amis. On vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous. Merci beaucoup. On vous aime. À bientôt. Salut. Au revoir. Que d'amour. Bird in the sky was riding all out like you were a bird, flying all out like an eagle in a sunbeam, riding all out like you were a bird. Wear a tall hat like the druid in the old days, wear a tall hat and a tattered gown, ride a white swan like the people of a Belgian, wear your hair long, babe, you can't go wrong. A bright star and a place you on your forehead, say a few spells and baby there you go. Take a black cat and sit you down your shoulder, and in the morning you'll know all you know. Swan like the people of a Belgian, will you hello, baby, come go wrong.